Mais d'accord. Bon, la voilà. blanches que le coton, les rues de sable et de terre, sentez le rhum et le melon. Sous leurs jupons de dentelle, Dieu que les femmes étaient belles. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera. Terre, mais je n'en demandais pas tant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale. Well, you heard there Nananmuskuri. The first one we played was the one we announced secondly, but it was Kukuruku Paloma, which is a dove. The second one was Guantanamera, a song from Cuba. You're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol. Et je suis Frédéric, ou Fred. Frédéric, oui, ben, comme on veut. Comme on veut. Oui. Fred, enfin, c'est plus vite. Oui, c'est plus rapide. Les Américains toujours cherchent plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter, écouter maintenant? La Fred. Prochaine chanson va être Art Mango et Lara Guirao. Et le nom de la chanson s'appelle Je me fais des idées. Et après ça, ça sera Madeleine Pérou avec la javanaise. Bon. Alors, merci. Je me fais des idées, me berce d'illusions, me perds dans tes pensées et me prends à rêver épistolairement d'échapper d'évasion. Aux heures les plus longues de fin d'après-midi, seules nos ombres se frôlent que déjà tu pâlis. Tant de pudeur me nuit, je le sais, c'est ainsi. On ne peut pas tout dire, mais on peut tout écrire. Ces vers que l'on s'adresse, personne ne les lira. Je garderai enfoui au fond de moi, tu vois, nos échanges amoureux. C'est mon rester sans voix. Nos sentiments cachés sur du papier jauni, par l'outrage des années, resteront là blottis, retenus à l'écart, à l'abri du grand jour. Des idées, me berce d'illusions, me perds dans tes pensées et me prends à rêver épistolairement d'échapper d'évasion.

something that is more to modern taste. The second one was Madeleine Perroux with the La Javanaise. Javanaise means a woman from Java, but are there other meanings in this? I don't know for sure. I mean, that could be a dance. About a game, that could be game. Something. Yeah. You know of a game? They talk a lot about love and loving each other, but I don't know if it's a game of it or if it's a dance. I'm not sure. I'll look it up and see if there's like a another meaning. Well, they said there was a children's game, or I don't know, maybe like a card game called La Javanaise. I have no idea. I didn't know that. Nous avons quelque chose de nouveau. Alors, Fred, est-ce que tu peux nous parler de cet artiste? C'est Eric John Kaiser. J'avais ramené une chanson il y a 2 semaines. Il a un nouveau CD qui s'appelle Made en Gaspésie. Et ça a été. Donc, Eric John Kaiser est originaire de Paris. Et il vit maintenant à Portland, dans l'Oregon, depuis quelques années. Il est musicien, compositeur. Ah bon? Il a chanté avec des amis comme Tété ou d'autres personnes assez connues. Et pour cet album-là, il l'a enregistré au Canada, au Québec, et il l'a complètement autofinancé. Donc c'est pour ça, Caril, quand tu m'as dit « Oh, il a signé l'album », oui, c'est parce que j'ai participé au pledge pour qu'il puisse réaliser son album. Et du coup, j'ai eu signé c'est une sorte de crowdfunding. Oui, tout à fait. Et où est-ce qu'il habite? Portland, Oregon. Hein? Portland, Oregon. Et donc, on va écouter 2 chansons. La première que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ma Blonde. Et elle est très jolie. Il y a un très bon mélange entre l'anglais et le français dans cette chanson. Ah bon? Ça vient juste à point. Et la deuxième chanson qu'on va entendre, c'est la 10e chanson dans l'album, ce sont Les sirènes de la petite vallée. Alors merci, Fred. J'y allais sans toi, est-ce que tu me pardonnerais? Et laisser derrière moi les fantômes des regrets. Dans ta douleur trempée, avec pour seule compagne la peur, pointer le bout de son nez. La nuit j'aperçois ta rancœur. Let's sing a song together. Let's sing along forever. Let's sing a song. Song. m'exile ailleurs pour pouvoir mieux te retrouver. À mon retour, mon cœur, pour mieux savoir se regarder. Let's sing a song together. Let's sing along forever. Let's sing a song together. Let's sing along forever. Let's sing a song together. Let's sing along forever. Let's sing a song together. Let's sing. Sing a song together. Let's sing along forever. Let's sing a song. Programming on KFAI is supported by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their heating bills. Community Action of Ramsey, Washington assists Ramsey and Washington County residents with home energy payments, energy crises, and emergency furnace repairs. They also offer referrals to the Home Weatherization Program. More information about how to apply at 651-645-6470 or at caprw.org. Il existe un petit village en Gaspésie, perdu sur les rives du Saint-Laurent, où les habitants ont inventé leur propre sport, une sorte de chasse au trésor. À la nuit tombée, après avoir contemplé un coucher de soleil aux couleurs d'orge, ils se réunissent tous dans une vieille forge. Ils chantent alors la vie, l'amour, la mer, les frères perdus et leur terre. Et quelle que soit l'humeur de l'océan ou la saveur du vent, il continue de souffler sur le feu sacré. As-tu déjà entendu chanter les sirènes de petites vallées? Au fil des eaux, il s'est forgé une telle réputation qu'on vient de partout, d'Amérique, de France et d'Afrique, pour rencontrer ces nouveaux forgerons. Il y a quelques semaines, dans mon Oregon d'adoption, j'ai moi-même entendu l'écho de ces belles chansons. Et jamais à l'abri d'un malentendu, je décide d'y aller. Parfois, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. As-tu déjà entendu chanter les sirènes de petites vallées? Après avoir voyagé avec quatre chasseurs en wagon, j'ai jeté l'encre de mon crayon. Débarquant avec ma guitare et mon chapeau, je déposais mon sac à main. J'ai appris à danser au rythme de l'océan, à suivre des pétales qui voyagent dans le vent. J'ai compris que pour se fabriquer un destin, il faut apprendre à faire confiance aux gens que l'on rencontre en chemin. As-tu déjà entendu chanter les sirènes? Petite vallée, as-tu déjà entendu chanter les sirènes? Petite vallée. Je vais leur demander de m'attacher au mât de la vieille forge d'Alan Côté. Comme cela, j'écouterai toutes les nuits les sirènes chanter. Et qui sait, si cela ne les dérange pas, peut-être que j'en rapporterai une avec moi. As-tu déjà entendu chanter les sirènes? Petite vallée, as-tu déjà entendu chanter les sirènes de petite vallée? Was nice. I like that second one especially. Yeah. Brand new record from an artist who Fred heard at the concert over at the Cedar Cultural Center. And his name is Eric John Kaiser. But yet he is from Portland, Oregon, you say? He's from Paris, but he lives but in from Portland, Oregon. But he had some connection with Quebec, and that's where he recorded his last CD. The title of the album is Made in Gaspésie, which is in Canada. Where is Gaspésie? I strongly believe it's around Quebec area, region, but I'm not 100% sure. Okay. My Canadian geography is lacking, I should say. Well, the titles were, first of all, Ma Blonde, which is the French equivalent in Canadian French, My Girlfriend. Yeah. My Sweetheart. Yep. And the second one was called Les Sirènes de Petite Vallée, The Sirens of Little Valley. Yeah. Well, I wonder what they were like. I didn't notice They sounded pretty good. They sounded pretty charming and, you know, captivating. Drawing. Yeah. Well, there's no sailors, but they must have been drawing them to the rocks or something. Oh, you know. Maybe they had a river. There's some part of Quebec where they're close to the ocean, so. Well, that could be. Yeah. It's not the Mediterranean with Ulysses, but that could be close enough. I don't know. I'm sure if we were going over there, we could find some sirens. Well, I wonder where they'd be hanging around. I don't know. Oh, time for another announcement. Oh, no, it isn't. We can go on. Yay! Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Alors, maintenant, on va écouter Véronique Sanson. Oui. Avec une chanson qui s'appelle « Panne du cœur ». Et la chanson d'après s'appelle « Sans regret ». Alors, la voilà. « little trouble with the equipment here. But be reassured, I will not sing anything. Well, that's... You're not going to sing anything? No, darn. Yeah, I want people to keep on listening. Well, I don't know, something. Let's try the other one. Yeah. It says it's play lock. Ooh. Sounds nasty. Well, let's see. Well, Fred, tell us a little bit about you for our audience, as long as I'm fixing this. Well, I'll do it in English then. I'm from Paris. I was born and raised in the middle of Paris, by Le Sentier and Les Halles, so second and first arrondissement. And I moved to Minnesota in 2000, following the love of my life, which is no longer part of my life, but it was worth doing. We had two kids, and I really like Minnesota. It's a great place to live. A lot of artists, a lot of music, art. And I love fall in Minnesota, but I like summer better. And I'm not a big fan of winter because I don't ski, and I don't ice skate too much. But as I was saying to someone, I moved to Minnesota by choice, so I can't really complain as much about the winter because... Well, I'm not originally... It was really my decision to be here. I'm from Michigan originally, so... Oh. But I would not move away from Minnesota, which I love now. Yeah. Let's see if that's up and working here. Yeah. Alors, Véronique Sanson. Je l'attends, j'ai du chagrin. Je vais dans l'appartement, serrant les poings. J'ai peur. Je vais, je viens dans l'ombre vagabonde. Et puis là, j'entends le bruit des secondes qui fait rare. Panneau de cœur, panneau de cœur, panneau de cœur, panneau de cœur. Il est 4h, je l'attends, toujours en vain. Il y a un accident sur le rond-point. le passé. Ah, les bistrots. Elle est partie pour pas les voir rougir, les gens comme il faut. Jamais le vent de ses racines n'était venu jusqu'à moi. Elle a fui une nuit où la lune l'appelait, vers les anciennes tubes que les dieux adoraient. There are two songs by Véronique Sanson. The first one was Panne du cœur, Breakdown of the Heart, and the second was Sans Regret, which is the title song of the album, Without Regrets. And she is still going at it, a woman who is, well... 69, and yeah. She was touring last year, and she's planning on touring this year, doing a new show. And I understand that she has been doing more like, from album standpoint, it's more, she's more releasing some best of and things like that. But mm-hmm. she's still very active. Frédéric, you brought up this a little bit about elections here, and we need to tell our listeners Bonjour Minnesota will not be on next week's because they will be reporting election results here. Yeah, that's going to be a special show for the election results. So, well, it's especially important because they get the local elections where you might not hear them right away with the big national election results pouring in. Yeah. So stay tuned to KFAI next week after the elections to find out your local and the national results. What about in France? Well, in France, it's the presidential term is different. It's every 5 years. Mm-hmm. So last time we were in sync, but no more. So it's going to be next year. This year, around mid-November, people are going to be able to vote for the primaries. So the candidates of, you know, either from the left or from the right that they would prefer. And so right now there are a lot of candidates. It's, there are so many different parties, for one thing. There is indeed. And even within the same party, it's pretty big. So I think one of the big difference compared to before is a lot of people are going to be able to vote online. So, oh, really? Yeah, even for the primaries. So going to be able to vote online. So that'll be nice. And that's going to lead to the elections of the president, who's going to be in May of next year. And okay. In France, we always have two rounds or two turns. And well, first turns, everybody goes. And second turns, it's just the best two. So often it's one person from the left, one person from the right. But we'll see how it goes. Seems like the left is a little bit in major trouble. Elections are always on Sunday in France, aren't they? Yes, always. So on Sunday, so everybody can go. True. There's no excuses. I've heard François Hollande is no longer very popular. No, not that much. It sounds like if the election was happening right now, he probably would not go to the second round, which is somewhat a little bit scary because it means that there would be someone from the right and very likely someone from the extreme right, which has happened in the past. I was already in the U.S., but one... Marie Le Pen? It was Jean-Marie Le Pen at the time. Jacques Chirac was running against the incumbent prime minister, Lionel Jospin. Mm-hmm. And Lionel Jospin had not been doing very well and didn't go to the second round. So it was Jacques Chirac against Jean-Marie Le Pen. And, it was extreme right to the point of... Yeah. At one time, he wanted to have all the AIDS victims or people who were dealing with it locked up into mm-hmm. sort of camps. Yeah, he had some very extreme ideas. Extreme ideas. But the deal is at the time, even though he had more votes to go to the second round, At the second round, he didn't get any more votes than on the first one. So he didn't expand to his base. And all the people, whether they were from right or left, if they were not for the extreme right, kind of backed out and went towards a candidate that was more reasonable. Mm-hmm. Well, Marine Le Pen, the daughter now, mm-hmm. I think she's a little more subtle, but still with many of the extreme ideas of the far right in France. Yeah, I think the facade is different. The facade is different, yes. The content might be very similar. The package looks better, but the ideas behind it. A lot of ugly, intolerant ideas. Have you heard anything about French ideas of what's happening in our elections? Of course, they're very interested. I'm not too much because I have been here, so I haven't been necessarily in touch with... I mean, I talk to my mom once a week, but I haven't talked to some friends or some people, you know, telling me like, what, are you nuts? That's crazy elections. I'm pretty sure that they don't take Trump, Donald Trump very seriously, but I think that that's a given. So, but that's pretty much all I know. Well, it's time to tell you, you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous écoutez KFAI, Bonjour Minnesota, la radio communautaire. Et vous pouvez nous écouter sur 90.3 à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul ou sur kfai.org. Qu'est-ce qu'on dit en France? Est-ce qu'on dit point? Point. On dit simplement point, kfai.org. Oui. Oui, voilà. Un point, c'est tout. Ben, il est 9h ici ou 21h si on le dit correctement comme les Français. I wondered why Americans never went for the 24-hour clock, which leads to a lot of problems with people, French people who come here, because if you tell them our program is from 8 to 10, we've had someone show up at 8 a.m. in the morning as a guest. It does happen. They use the AM and PM too. I mean, so at times we say like, oh, il est 6 heures du soir. Yes, you know? Yes. Oh, il est 4 heures de l'après-midi. But I mean, when it's on TV or radio, it is more like il est 16 heures, il est 18 heures, il est 20 heures. Have they changed to away from daylight savings? They have. It was this weekend, so we are 6 hours apart. It was just 6 instead of 7. Mm-hmm. Of course, at the end of the week, we change back to regular time. We are catching Saturday, up. Saturday, Sunday, and we will be 7 hours apart. Yep. It's 4 in the morning in Paris and mm-hmm. all over France and Europe. Yep. Alors, revenons à nos chansons, Frédéric. Qu'est-ce qu'il y a? Après, là maintenant, on va écouter une chanson de Holden qui s'appelle Madrid, avec Mock à la guitare et Armel Pioline au chant. Le groupe Holden a sorti leur 3e album complètement en français. Et après ça, on va écouter Oxmo Puccino. Je ne suis pas sûr de le dire correctement. Oui. Mm-hmm. Je crois. Ouais, ça a l'air très italien, mais ça a moins l'air. Et ça s'appelle Sur la route d'Amsterdam. Et malien d'origine, Abdoulaye Diarra, dit Oxmo Puccino, a grandi à Paris. C'est ça. Donc, il est malien. Il n'est pas du tout italien. Mais ça rime. Malien, italien. Oui, ça rime. Alors, voilà, Holden avec les villes d'Europe. Alors, c'est Madrid. Thank you. sans marche arrière, un rendez-vous où personne ne viendra. Madrid, où sont tes icônes à la voix cassée ou à faune? Où sont les anges qui dormaient sur les toits? Alourdi par la routine, chez soi nul ne peut se mettre en roue libre. Alors on tourne en rond, on se fait du mouron, à cause de l'évidence que nous mourrons tous. Le temps de monter l'équipe motivée pour une destination colorisée. Chaussettes comblées, autoradio à fond, la pince cache le blé lors des adieux aux cons. Tous en route pour un voyage unique, plus pour l'amour que l'amour des tulipes. On roule vers Amsterdam, on aura vive la flamme que se sert au bidon. Quand la nuit nous éprouve, que les chats sont gris, on se retrouve. Que le cerveau qui tourne, quand la nuit nous épouse, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. On part pour un soir, y passer le week-end, pouvoir se laisser aller outre frontières. Ceux qui ont le budget, ils taillent à pattes pattes, champagne à quatre pattes, location de 4x4. Les moins fortunés restent au bois de Vincennes, les petites camionnettes pour 2000 cents, mais ça manque d'exotisme, tu peux croiser le voisin. Alors, 400 km, ça ne mange pas de vin. Si l'herbe est coûteuse, que les filles deviennent chères, la police est moins nerveuse, il y a ce qu'on y cherche. On roule vers Amsterdam, on aura vive la flamme, que c'est le cerveau qui tourne, quand la nuit nous épouse. Que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. Ne pas rater la Belgique, ni tourner sur le ring, en cherchant le périph. Sur la route, accéléré, si l'on te propose de la marchandise. Sur la route, ouvre ce hublot que l'on soupire, nos gourmandises. Au retour d'Amsterdam, on en part jusqu'au prochain périple. On roule. We heard there are two songs which are concerning French, or not only France, but all European cities by various artists. The first one was Holden, and that song was called Madrid, which is, you know Madrid? That's I've never been. Oh, it's a great place. Yeah. Exciting. I went to Barcelona but for like 4 days, but never to Madrid. Where did you go? To Barcelona. Ah, Barcelona. Oh, that's a great city, too. It is a great city. I really liked it. I mean, different feel in Barcelona than in Madrid. More, mm-hmm. It's more like France, really. It's more outgoing, and Barcelona is moving. You can just feel the energy in it. Yeah. Madrid is kind of sleepy sometimes. Is it? But it has gorgeous museums and all kinds of things that just maybe see. Next time. Yes, and Plaza Mayor. So then the second one was by Oxmo Puccino, whose real name is Abdoulaye Diarra. The group was on the road to Amsterdam. I've been to Amsterdam. I've been a couple of times. Have you to a couple of times? I liked it. Yeah, I did too. I have a friend that lives there, so that was nice. Went to the Van Gogh Museum. Which one? The Van Gogh Museum. Oh, Van Gogh. No, I didn't see that. It's I wish I had, because there's a pretty good show coming on. It has nothing to do with France, but it's about the start of Martin Luther's reformist movement at the Minneapolis Institute of Art. So that should be very interesting, too. Should be, yeah. Yeah. 16th century. How about another announcement here for the next two songs? So on va écouter Nouvelle Vague, Weekend à Rome. Oui. Et après ça, ce sera Bertrand Porto avec Berlin. Oh non, c'est Bertrand Berlin. Oh, Bertrand Berlin avec Porto. j'ai un peu retourné les lignes. Trop de Porto. Oui, non, je n'ai pas bu de Porto ce soir. Sans personne.

et peut-être, et j'attendrai tes abords, j'attendrai. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Oh, you heard a couple of numbers there from RFI, Radio France Internationale, who sends us the latest. And these were about different cities in Europe. The last one was, that was Porto, wasn't it? Oui. Porto by Bertrand Belin. And the one before that I really liked, Nouvelle Vague, which was a group which sings together. These are kind of classic songs that they like to do with a new take on it, modern take of it. That song was written by, who was it? Etienne Dao. Etienne Dao, and a great hit for many years ago. Oui, très populaire. Très populaire. The members of Nouvelle Vague, they were started by Martin Collin and Olivier Lebeau. They formed this group with the idea of singing songs, but adapted to their own style, which is the bossa nova. Would you like to hear a few announcements? Yeah, I'd love to. Okay, let's see. What's going on in the Twin Cities? Well, Give to the Max is coming up. Yay! It's the charity that... And they try to compete in getting, because then the winner of the most, I believe, will get a $10,000 golden ticket. Ooh la la. Mm-hmm. Enter Alliance Française to win a $10,000. Well, maybe it's for the individuals. It is likely. Register and donate through Give Minnesota. You can schedule a donation for Give to Max Day on Thursday, November 17th. And why is it important to schedule your gift? Well, pre-scheduled donations are registered for a drawing that could win the Alliance Française a golden ticket of $10,000. Well, that would go to much needed renovations, I think. Mm-hmm. Additionally, this year, some friends of the Alliance have proposed a matching fund. Stromae concert is coming up. It's a screening of a Montreal concert. It will be held this Friday, November 4th, from 7 to 9:30 at the Alliance Française. I'll be there. Yeah, you'll be there, Fred. Okay. It says that dance and sing along, socialize, refreshments provided. Jeune cadre dynamique, meet up beforehand to be announced. I think there's a small participation too, but I think it's no more than, like for Stromae, I think there's a small participation, but it's. Yes, there will be some. It's small for a good time. Yes. Coming up also. Petit Dej. This is going to be Saturday, November 8th, the first Saturday of each month. They have this. It's from 9:30 to 11:30 at the Alliance, and they will have your breakfast for you, petit pain, and all kinds of things there from Breadsmith. It's a lot of fun. I like to go there because you meet interesting people. Yeah, I mean, they're always. I mean, first the Breadsmith's participation is fantastic. I mean, you know, there's all kind of bread. And the Alliance is providing, you know, whether it's jam or butter or Nutella, so that's nice, and coffee. And yeah, there's always like some table with very interesting people and some couches and some kids around, and it's always nice. It's a very casual setting, and everybody with any kind of level can participate or just listen if they want. Yeah. There are some English speakers sometimes. There are two. And sometimes people switch back and forth. Comme moi. Also coming on at the Alliance, Soirée Salva Nomade. It's a singer called, normally a singer. He's going to present French poetry, theater, and songs with artist Bernard Salva. I don't know anything about him. Did you find anything about him? No, I didn't really look. It's presented in a partnership with McAllister College. Nice. And there is some sponsorship from the Canadian Consul General. Another announcement, would you like to visit France with a guide and a tour from the Alliance? They are going to the city of Tours and Bordeaux. Tours is a lovely region. That's where all of the chateaus are. That will be a guided tour May 12th through the 22nd of this coming spring. Castles, vineyards, gardens, and countryside. And I'm sure some good wines, both from the Touraine and... I'm sure. Yes. Well... there's something here for the formation of professeurs, FLE, de différenciation pédagogique, proposition pour faire cours avec des niveaux hétérogènes. Friday, November 11th, from 12:30 to 6:30 p.m. It's geared towards local French teachers who are struggling to engage students from different levels in one classroom, led by Pierre-Yves Roux, from the International Center of Pedagogical Studies. This workshop is presented by Les Services Éducatifs de l'Ambassade de France, training subsidized by Fonds de Formation. There is a charge, but you teachers of French, if you're listening, you can use this, I'm sure, the credits towards your renewal credits that you need each year. And that's about it. For this time. There. Oh, and don't forget to vote, everybody. Yeah. Oh, Fred, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? On va écouter Pink Martini. Ah oui. Tu sais, j'ai trouvé que ce sont des Américains qui viennent de Portland, Oregon, le même endroit que Eric John Kaiser. Donc ça doit être vraiment des Français pas mal. Ah, je ne sais pas s'ils se connaissent, mais a priori, ils disent qu'il y a plusieurs membres de Pink Martini qui sont français. Mais c'est un groupe américain très populaire. Et là, ils vont nous chanter Syracuse, donc un classique. Et après ça, ça sera une chanson qui s'appelle Sympathique. Amants de Vérone, au chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. We're back again, and you heard two by Pink Martini, which... Pink Martini is an American group. They sang the one called Syracuse that was in the RFI collection, and also one that I had found called Sympathique. They're from Portland, Oregon, which must be a real hotbed of French singers. Because who was that other group, Fred, that was there? Eric John Kaiser that we listened to. Oh, the earlier one that you just yeah brought back, yeah, that were in concert here. I think they are the only French around. We get them tonight in Portland. There might be some more, but I'm not sure they are singing. Well, I liked it. Maybe we can play another one by Eric John Kaiser afterwards. When was that concert? It was several years ago. It wasn't just recently. No, huh? It was not too recent. It was organized, it was sponsored by the Alliance Française, mm-hmm, and there was also Tété, who like was singing A la faveur de l'automne, mm-hmm, who was there, so it was like a half and half, and it was really nice. I wish he'll come back. He might someday. Ben, on va continuer avec les chansons qu'on a. Oui. On a les chansons à venir sont les double six, et le titre de la chanson c'est Stockholm Sweetening, et après ça sera Alain Bachung à Ostend. C'est le titre de la chanson. Merci. Il y a là-bas un coin merveilleux, un coin où nous irions tous deux. Oui, tous les deux, oui, tous les deux. Si tu veux bien, perdons pas de temps, partons donc. Dis-moi pourquoi nous n'irions pas tous deux faire un petit tour du monde. Nous partirions si tu le veux, beau matin. Je voudrais bien, tu me donnes ta main. Nous partirions vers un pays tout bleu, oui tout bleu. Dis oui, bientôt matin. Nous partirions si tu le veux, tous les deux, là-bas c'est bleu, dis là-bas c'est bleu. Toi devant nous, on partirait sur la route dit par la vie. Nous partirions là-bas, par-là. Dis-moi, viens avec moi. Dis-moi, dis-le. Passerait si bon nous évader tous les deux. Oui, oui, là-bas, là-bas. Oh, tu t'y prends très bien. Oui, très bien. Pour qu'on s'en aille là-bas tous les deux. Tu ne te doutes pas que tous ces pays, je les ai vus moi. T'es pas le premier. Dis-moi, t'es un allé, toi. Tu n'aurais pas pu baradiner pour prendre le train qui part pour des pays lointains. T'entrais pas, tu trouverais bien quelqu'un pour partir là-bas. Tiens, écoute donc. Assez tard, cours donc t'enfuir. Revenir vers ton pays merveilleux. Tout y est bleu, c'est très bien d'y être deux. Tu ferais bien de te retourner, v'là une belle qui vient de dire. Elle veut y aller, laisse-la parler, viens plus près de toi. Dis-moi, je voudrais, oui, m'en aller tout là-bas. Pourquoi m'attends-tu pas? Dis-moi, pourquoi? Dis-moi, tous les deux, on serait heureux, ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Dis-moi si tu ne veux pas, donne pas d'alibi, perds pas ton temps, y'a qu'un moyen. Je vais m'en aller tout seul, dis là-bas, là où y'a, là où y'a, là où y'a, là où y'a, tout le paradis pour de vrai. Tu ne le sais peut-être pas, y'a tant d'années que je t'attends. Je partirai pourtant ma peine tout là-bas. Dis pourtant c'est bien toi, toi, oui, toi, oui, toi, oui, toi qui m'avais dit. Y'a longtemps, longtemps, oui, longtemps. Qui m'avait dit que pour toujours, dis-toi, tu me garderais là dans tes bras, tout près de toi. T'as tout oublié, t'as oublié tout ce que tu m'as dit il y a tant d'années. Pourtant, si tu ne veux pas, moi je m'en irai toute seule là-bas. Il y a de la joie, si tu ne veux pas, n'y viens pas. Partez donc, plus de deux. On partirait sur la route, route par la vie, tous les

they had at one time. And Christine Legrand, the sister of Michel Legrand, the great musician, was one of the people. And also Ward Swingle, who was the future arranger of the Swingle Singers, was also in that group. The second number you heard was Alain Bachung, A Ostend. Here's an announcement. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Oui. Carrie, il est en train de chercher les Paris Combo. Je l'ai. Oui. Because we just passed Halloween, I thought this would be a good one. Il y a deux chansons de Paris Combo. Une chanson qui s'appelle Fantôme adoré. Ah, et Halloween. Ouais. Et l'autre qui s'appelle Je te vois partout. Donc c'est encore une histoire de fantôme, ça. Alors, Paris Combo. I think we have Gremlins in there. Yeah. Well, number one. These are leftovers from Halloween. Some phantom. And it's telling me play lock again. Play lock again? Well, let's see. What about Halloween in France? I hear they're doing a little bit about it, but is it mainly for people who want to swing around to the bars? I think it changes all the time. I've heard this year that there was really like nothing being done. Mm-hmm. But there's some years my nephew went outside in a village and with costume and they did trick-or-treating for kids. If there's anything done in Paris, it's more, in the bars just to grown-ups to find an excuse to party. Well, did they dress up? Yeah. But they have an excuse. Not that they need one. Alors, Fantôme adoré. The Paris Combo. Avec la Belle du Berry. Is this it? Yeah. Ils sont passés au Dakota il n'y a pas très longtemps, oh, il y a deux ils ans. Ils étaient au Dakota. Mm-hmm. Oui, on les a interviewés il y a des années, ici. Chouette. Yeah.

Au revoir, Caril. Au revoir à tous nos auditeurs. Merci d'avoir écouté Bonjour Minnesota. And remember, we will not be on next Tuesday because of the elections. Listen for your latest announcements on the locals and the nationals here on KFAI next Tuesday. Au revoir. Au revoir. Je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur toi. Des Excélisées, anamorphosées.